De noir vêtu, de noir de peau, têtu, pas de peau. Dans la vie sans paix, faux, sauver sa peau. Bonne culture, esquive les coups durs. Les politiques utilisent techniques et devises, cela rentabilise dur. Et nous, on croque et stop entre nous, sans cap ni épée. Bosser pour becter, cap sur les factures du paternel, maternel. Aucun souci en maternel, chez l'éternel. Ici, les séquelles, les pas grandis sont réels. Le blade à paye en 2-2. Raye tes projets, donc deviens vieux, tu crois que ça paye. L'oseille nous bégaye à l'oreille des connes. Des coups de couille ronde, y'a smile, y'a marmaille, y'a empoigne la rage comme une belle conne. Clean, des clones de Eve de l'île en cité perturbée, prône la même hymne dans cette faune. En 8 mm, on vient vous la mettre. Voilà ce qui se passe dans votre foufoune. Ken pendant, des scènes rendant la haine pendant, devient mendiant en SNET. Chétan, Franck, c'est net, c'est net, clair et précis. Oh, MIT, en TSI, reste en sursis. Hey, je vous présente mon camp, ma compagnie, mon comité de brailleurs, quoi quoi. Rien que le train-train, gratter la faille par instinct, ça. Gêne des gens, je sais, lyrics élégants. Et les gars, l'œil redouté sur nous, ouais, c'est exact. On dévoile l'interdit, assez nombreux, je vous interdis de me reconnaître. Avez-vous saisi, je suis un simple grain de sel, un simple métier par excellence. Un certain niveau par expérience, je pense. Observez, bien ça y est, vous savez que ça sent le complot. À chef de l'île complice, et la mission consiste à répandre ce que l'œil voit, le peuple c'est vous. C'est nous, c'est moi et nous, formons le temple. Mais comment voulez-vous que je rappe sans vous, nous sommes un ensemble. Ensemble, on peut faire trembler assez de monde. Attends, attends, attends, là où ils ne savent pas que nous sommes tous des bombes. À retardement, et la vérité a le même goût que le sang. Je rappe par nécessité, enfant du béton sollicité au meurtre par écriture. H.I.P, H.O.P, rationnel, ok. Les mers se plaignent, le côté plein de harnes qui saignent. Les sentiments, une arme ou lentement, le chargeur n'est plus ce qu'il est ou ce qu'il enseigne aux gosses de la rue. La patience et l'endurance, durant ce temps ils n'ont pas cru. Je l'ai vu, je le vois, à chaque fruit qui pourrit. Jour et nuit, la haine prend du terrain, la corruption sans solution qui sourit. Là comme un animal, je m'animale, mes potes réanime le mal qui se frotte à la normale. C'est pas normal que ça brûle, c'est pas normal que ça brûle. Pendant qu'on braille, ça hurle, la faille brosse, ça parle. Pendant que la merde circule, s'écroule dans les quatre coins du 9-4. Rien à perdre mais tout à prendre, les maghrébins n'ont pas. Mon rang je le pousse au maximum. Et quand je pose mes seufs, on me bouge pour que je m'explose contre les murs du son. Des jeux se corsent et ça. Plus le C c'est force de se rendre fort sur des instrus de rue, garçon. Tox, chômeur et marégie nourrissent nos textes. Sans parler de sexe, et bzz, qui sont ces mecs. On dit qu'à 6, ils font l'amour aux 26 lettres. Fonce des ou même sous cuite, ça rappe même que peut-être. Ils mènent et malmènent les mots. Et même si des mâles n'aiment pas, ils rappellent même. Du haut des tours ou même dans les hameaux, ma belle. Y'en a qui en ressortent dans un sale état, demande à mon crew. Comment la force de Parabellum se fout de tous les haineux. Je te le dis parce que j'en suis vieux. Action de spi, feeling acrobatie comme un rocksteady, c'est le comité. T'es paré à écouter le rap pour les 3-0. 5 zébrons qui ont nos marques zonées sur une surface calcinée. Kiff ce qui vient d'en dessous le métro, faut être prêt à shooter le péco. Si c'était pro clash MC, si y'en a trop, faut pas que t'aies la crête, c'est t'as le rôle du compro. Tu craques, tu prends le niveau 0. Gros superficie du hip hop, j't'en lâche pas un mètre carré. Les bras hurons squatter le raté. Le sang des faux MC, j'y sur le parquet. Rime paquet, taqué. Sur beat flow captivant, c'est flagrant, funeste rentre dedans. Avec la même arme qu'avant, beaucoup misé de francs, t'inquiète. J'les aurais sans tarper, sans exploser les têtes. Juste avec un rap avancé.